Vous écoutez un podcast Galaxy Pop, explorateur d'univers, vecteur d'émotions. La flamme vacille, les ombres dansent, le voyage continue. Dark Souls 2. Il y a des étapes dans une aventure qui ne sont pas faites pour combattre, mais juste pour souffler. Après la forteresse oubliée, après les hauteurs, les prisons, les coups, je suis revenu ici, à Majula. Le vent y est toujours le même, l'air sent le sel et la poussière. Le soleil semble figé, suspendu dans un éternel coucher d'or, et c'est peut-être la seule vraie constante depuis le début. Majula, ce n'est pas un havre, c'est un gouffre tranquille. Un lieu suspendu, vide certes, mais sans menace. Comme un souvenir qu'on n'arrive pas à oublier, et peut-être qu'on ne veut pas l'oublier. Ou bien un rêve dont on ne sort jamais vraiment, ou peut-être un réveil un peu compliqué, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est un lieu de transition. Je m'assois. Et je respire. Et je regarde ceux qui, comme moi, se sont arrêtés ici. Un peu à l'écart, toujours debout devant sa forge, Lénigraste travaille le métal. Oh, you're that traveler. The name's Lénigraste. I appreciate your help, but I don't like travelers one bit. A man ought to labor with his feet planted firmly in the earth. Not roam around like you flirtatious vagabonds. Oh, what does it matter? Go on, show me what you've got. Your equipment, let me have a look. But do it quick. Il parle peu, mais quand il le fait, c'est pour prendre de mes nouvelles. Une inquiétude bourrue, comme s'il avait oublié comment s'exprimer autrement qu'avec ses outils, mais il est là, solide, ancré, à sa place, et il veille, sans bruit. You. Stand back. This is dangerous work. Et il y a Cloanne, sa fille. Je l'ai croisée dans la vallée des récoltes. Elle vend des pierres, parle de géologie comme d'un art ancien. You've been long away. What would you like? Well, I've only one thing to provide, and we both know what that is. Visit me again, whenever you please. Elle cherche du sens dans les filons, dans les failles du monde. Elle risque de chercher longtemps. Mais elle ne se souvient plus de son père, ou elle croit qu'il est ailleurs, loin, perdu. Elle n'a pas reconnu son nom, ni son regard, rien. These stones may look all the same, but to the trained eye, each is unique. Some of them are used to smith weapons and armor. And some unique stones provide special benefits. Some of them are extremely rare and should be used with great thrift. None of the differences are easily spotted. But I've learned quite a lot, really. Pourtant, lui, il sait. Il me l'a dit. Il ne lui en veut pas. Il a juste baissé les yeux et s'est remis à marteler l'acier. À Majula, on survit comme on peut, chacun oublie à son rythme, même ce qu'il aime, même ce qu'on aime. Il y a la Garden d'Émeraude, silencieuse, stable, elle m'aide à grandir, oui, mais elle ne parle jamais de ce qu'elle ressent, peut-être qu'elle ne ressent rien, je ne sais pas. Je crois que c'est pour ça qu'on s'entend bien, finalement. Bearer of the curse, seek misery, for misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. The curse is a part of life itself. No one will ever be rid of it, and so there is only one choice, to await a worthy monarch. A monarch who can shoulder your burden, lest this land swallow you whole. As it has so many others. Il y a Melancia, la vieille marchande. Toujours bavarde, toujours souriante, grinçante, devrais-je plutôt dire. You again? Lovely times these are. I knew you'd be back. Mais cette façon qu'elle a de rire seule, on sent que quelque chose s'est brisé depuis longtemps. Drangleic's been a pile of rubble since the war fought long, long ago. When the giants crossed the sea. Seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to sleep. That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden of your own. Il y a Gilligan, l'homme aux échelles, un fuyard mais lucide. All right, what do you want? I stock everything that you could possibly need. Wait, you found your way out too. Il sait qu'on ne peut pas tout affronter alors. Il construit des chemins de traverse. Des raccourcis peut-être, et c'est déjà beaucoup. I have everything you need. Ah, back already. Come to see Owl Gilligan, have you? Cheers for that. Il y a aussi Chalcoeur, la chatte, qui me regarde comme si elle connaissait déjà la fin. Peut-être que c'est le cas, et elle ne voudrait pas se gâcher le plaisir. Oh, undead are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Oh yes, you may call me Chalcoeur. Enchanté. Ooh, you smell wonderful. Oh my, haste makes waste. Il y a aussi Cale, le cartographe, qui dessine encore les contours d'un monde qui ne veut plus être dessiné. Un monde mouvant, brouillé et sans logique. Il trace ses cartes comme on dresse des fantômes. Oh, hello again. You've made it. The map, I presume. Of course. Take a good look. Did you see the flame on the map? It wasn't there when I came here before. I don't know what explains it, but there is something greatly comforting about that flame. It seems to fulfill something very precious, deep within the soul, something essential. Et enfin, il y a Mowgli, le marchand. Plus je lui parle, et plus il devient avenant, sympathique. Un peu prétentieux. Mais plus il oublie. Il oublie qui il est, ce qu'il faisait, et pourquoi il est ici. Il s'efface dans son propre confort. C'est triste et terriblement humain à la fois. Well, I do hope I see you again. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade, very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Il y a également, assis en silence dans un coin au pied du monument aux morts, le chevalier en armure bleue, immobile. Celui qui, de Boletaria en Lordran, est toujours plus ou moins là. You're undead, aren't you? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. I am Saldan. And like you, I lost everything. And now I'm here. Peut-être pas tout à fait le même, mais pas tout à fait un autre. Il est là, il ne bouge pas. Il ne parle presque plus. Il attend peut-être une épreuve, un duel, une fin. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Il me rappelle ceux qui ont trop combattu. Ceux qui ont gagné, ou pas, et ceux qui n'ont plus rien à prouver. Ceux que le triomphe a déserté. Il est là, comme moi, à l'arrêt. Pas par choix, mais parce que, pour lui, continuer n'a plus de sens. Dark Souls 2 ne raconte pas une conquête, ce n'est même pas une résurrection. C'est une lente et longue dérive. Le monde qu'on explore ne cherche plus à vivre, il cherche juste à tenir debout, à survivre vaguement et à ne pas sombrer dans l'oubli. Chaque feu qu'on rallume ne chasse pas les ténèbres. Il les repousse un peu, pour un temps, mais jamais tout à fait. Chaque ennemi vaincu revient encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il disparaisse. Non pas par triomphe de ma part, mais par lassitude de la sienne. Par extinction, par répétition. Et cette mécanique, ce cycle d'affrontement, de fiole d'estus bu, de mort encaissée, c'est pas de l'héroïsme, non, c'est de la persistance, c'est une obstination froide de ma part. On ne progresse pas, on résiste. Pas pour une cause, pas pour la gloire, mais simplement parce que si je m'arrête, je disparais. Si je m'arrête, je deviendrai moi aussi une carcasse comme toutes celles qui jonchent mon chemin. Et c'est peut-être bien ça qui me touche autant. Depuis que mon père est parti, j'ai ce même réflexe. Le matin, ben, je me lève, je mange, je travaille, j'écris, je joue parfois, et je continue, et je recommence. Pas par espoir, ni encore moins par envie, mais parce qu'il le faut. Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à faire des séances de psy par le biais de ce podcast, je ne cherche pas à guérir, et j'ai pas la force de regarder la blessure. Mais je la contourne, et puis je continue d'avancer et de faire ce que je sais faire, parce que, eh bien, figurez-vous que je sais le faire. Et ça, ça me suffit. Parce que s'arrêter, eh ben, ce serait tomber. Et que je ne peux pas tomber, je ne veux pas tomber. Pas maintenant. Pas tant que le feu vacille encore. Dark Souls 2 ne me donne pas de courage vraiment, ni de leçons. Il ne me donne pas d'espoir non plus. Mais... en ces temps difficiles, il m'accompagne, et je crois qu'il me comprend autant que je le comprends. Il ne juge pas, mais il est là, comme une béquille, comme un soutien. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas prêt pour la suite. J'avais envie de faire un point. Mais, vous inquiétez pas, on va y aller. Pas par bravoure, pas par nécessité, mais parce que c'est prévu que j'aille au bout. Bouger pour ne pas sombrer, avancer pour ne pas oublier. Mais seulement... la semaine prochaine.